Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur le capitaine, y a, sinon, c'est, on reprenait une chanson de M. Alex Bianchi. Est-ce que vous vous fredonnez avec nous la turlute des années dures? Quoi qu'il y ait plus dur que ça, là. Aïe, c'est, j'ai la tête qui veut grossir, puis la palette qui veut tomber. Ben, ah, Ça, c'est de l'invitation à la festivité. Ouais, mais pas ce soir. Comment ça, pas ce soir? Ah, là, j'ai examiné mon chemin astral. Et monsieur, c'est quoi le lien, là, entre le chemin astral? Qu'est-ce que ça fait? Attendez, il y a un bruit, là. Non, tout est normal, hein? Et ça fait comme un vrondissement, puis... bref, qu'est-ce qui se passe en studio, là? Mais on a branché ça, puis... On a besoin de soin, oui, puis qu'est-ce qu'il dit, votre chemin astral? Ah, ben là, premièrement, avant de faire le chemin astral, il faut faire la carte du ciel, oui. Et puis, dans la carte du ciel, il y a toutes les manipulations astrologiques. Eh, monsieur de Zavant, une autre partie dans l'espace. C'est dans l'espace. Alors, si vous regardez, monsieur Grenier... Oui, c'est... vous trompez, là. Non, je me trompe pas. La carte du ciel se fait, monsieur... Laissez-moi vous dire, monsieur Grenier. Non, je peux pas vous laisser dire, parce que c'est pas monsieur Grenier. Ah. C'est Gaétan. Gaétan, tu nous as demandé de faire la carte du ciel de M. Grenier. Ben non, je t'ai dit que c'est pas M. Grenier, c'est M. Gagné. Oh! Oh, ben là, toute la donne change. Oh, mon depuis mon change, ton argent. Ben là, faire une carte du ciel, hein, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de foin. De foin. De un montant forfaitaire. Ouais, mais moi, le forfait, là, ça fonctionne pas parce que tout ce qui est astral, tout ce qui est non scientifique, là, ça colle pas dans mon. Moi, à votre place, je ferai pas d'émission de radio ce soir. Comment ça? Mais le 17. Non, oui, c'est ça. Le 17 février, Saturne est sous Scorpion. Ah, oh, mon Dieu. Et puis? Ah, il aime ça. Saturne sur Scorpion, là. Puis, Titu Baudouin qui porte plus à terre depuis quand? Ben, depuis qu'il a rencontré Alex Bianchi. Oh. Parce qu'Alex Bianchi, puis ce monsieur. Non. Il y a eu, ben, Titu Boudreau plus. Attendez, là. Titu Boudreau, là, il est dans une maison de repos depuis ce temps-là. Titu Boudreau dans une maison de repos. Ça n'a pas trop reposant pour les gens qui s'en vont là. Les bénéficiaires, puis les infirmiers, les infirmières, surtout les infirmières. Petit cul boudou avec des infirmières. Ça doit être incroyable. Il nous a jamais invité à ce party-là, lui. Non, c'est pas un party. Parce qu'il faut que je t'explique un peu l'environnement dans lequel Alex Bianchi a laissé l'errant Rénadien et son metteur en ondes. Oh mon Dieu. Le metteur en ondes, s'y prie. Pour George Martin. Ah, oh, pas George Martin? Ben oui. Là, ici, il dit, hey, moi, là, j'ai trouvé l'appel à Alex Bianchi. Je vais l'illustrer musicalement autant que mon idole a pu mettre en place les Beatles. Je serai le troisième Bianchi. Eh ben, parce que Bianchi, c'est juste un... Ben, hey, wow! Qu'est-ce que tu dis, toi, là? Il y a le bassiste de M. Bianchi. Hey, c'est... Excusez-moi. J'ai perdu la tête. Non, c'est à boussole. Alors, je suis le troisième Bianchi et je vais propulser dans la sphère francophone ce chanteur, auteur, compositeur, interprète, membre également d'un autre groupe que je vais taire à l'occasion pour le laisser en parler vivement sur nos ondes. Oh! Hey, c'est intéressant, là. Là, tu nous titilles la burlotte. Ah, ben moi, plus je titille la burlotte, plus j'aime bien examiner de près la structure musicale. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, c'est la structure musicale. On voulait vous amener... Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. On voulait vous amener un peu de réconfort sonore dans des moments aussi tumultueux dans lesquels nos oreilles sont plongées en 2012. Hey, ben, est-ce que tu peux répéter? Oui, nous... On va répéter. C'est depuis le début de l'année, on sent que quelque chose va éclore. Mais quoi? Et là, une étoile soudaine nous est apparue. Alex Bianchi! Et voilà! De l'eau de l'Az, donc ce ticu qui est rendu aux soins aux soins de récupération, puisque son cerveau a éclaboussé tout son talent, puisqu'il se prend encore aujourd'hui pour George Martin. C'est sûr que c'est pas Dean Martin? Oui, c'est vrai. Gaétan! Peux-tu appeler l'électeur et t'informer si c'est pas Dean Martin au lieu de George Martin? Ah ben non, c'est pas Dean. Dean, ça fait partie de... Everybody's on sometimes, sometimes. Everybody's on the view. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est l'homme derrière les garçons dans le vent. Oh! Ils sont plutôt dans le courant d'air. Okay. Okay. Alors, monsieur le président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, le court-circuiteur de réalité, de réalisme, Reynald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà commencé depuis hier. Oh mon Dieu, depuis plusieurs années que je me berce devant la divination de ta vie et je ne vois plus rien passer. Oh! Vous voyez plus rien passer? Il faut dire que j'ai de la noirceur universelle. J'ai des cataractes. Des qui? Des cataractes. Oh, des cataractes! Je vois plus rien. Ah, je veux pas me faire opérer. Pourquoi? Ça risque de me faire voir la réalité. Puis? Mais je veux pas la voir. Je veux pas voir ça, les informations à la télévision, là. Ah, ça me rassure pas. À la radio, c'est beaucoup mieux parce que je me fais un schème imagé. Oh! Errance Rénaldienne, pour moi, c'est un flux. Ah, mon Dieu! Madame, je crois qu'il y a un flux de ce côté-là. On peut-tu la... À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention! Attention, please, mystère, attention! Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Il se passe que... Facebook, là. Nous avons eu une information extrêmement importante et surtout, attention, très underground. Alors, ça reste entre nous, hein, auditeurs, auditrices, membres et non-membres de CKRL. Devenez membres, s'il vous plaît. Il y aura le Radioton bientôt, là. Devenez membres. Encore 2 semaines, ramassez vos sous pour 25$ pour encourager une radio, puis on vous dit de la vérité, là. C'est ça la vérité, là. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Imagine, Dick Boudreau, dans 18 pays différents, se prendre pour le grand Tino Rossi, Bourville. Claude Mignot, là. Claude Mignot! Qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bourville. Là, qui arrête pas de chanter. Le falard de Pervenche, il est encore en prison. Puis il l'a jamais eu l'imitation. Mais il ressemble à Bourville, c'est vrai. Après, moi, je vous conseille, après 4-5 bières, là, vous le regardez, il ressemble à vous. Après une bière, non, pas du tout. Il ressemble à Juxtaposé Muffin. Oh, pas Juxtaposé Muffin. Le grand Brésilien, le chanteur flamenco brésilien, là. Ah, c'est avec le collier à la Bourleau. Connaissez-vous ça, madame, le collier à la Bourleau? Ah, mais j'en ai tricoté 17 l'année dernière. Et puis, ah, mais pour être dans le Guinness, il aurait fallu que j'en tricote 53. Et puis, ben, j'ai manqué de laine. En fait, j'avais 3 moutons, 3 Québécois à 4 pattes qui votaient pour... oui! Et puis, il y avait plus de laine sur le dos. Hein, on leur enlevait leurs moutons de laine. À même, c'est le gouvernement qui plongeait la main sur leur dos pour arracher des gros moutons, des grosses pelotes. Il ne restait plus une maudite scène, il ne restait même plus un morceau de peau, il était à la chair vive. Oula, ça a pleuré. Ils les ont placés dans l'entrepôt de souffrance, là. Oh, depuis ce temps-là, et quand on ouvre ça, cet entrepôt de souffrance-là, ça fait « Ah! Adieu, ah, adieu. Ça a crié, ça a fait mal. Ben, ça, ben, on a rien, absolument rien. On n'a rien dit, monsieur. Venez pas nous. Non, c'est madame. Elle n'a pas voulu. En fait, c'est son cerveau qui n'est pas. OK. L'absurde aventure de la. OK, dit-il. Hey, ça, c'est comme les livres là, de Walt Disney. Il y a comme une musique. Là, fring, et tu tournes la page. Là. Ouais, mais les gens ne savaient pas que tu tournais la page. Là. Hey, oh oui, j'ai divulgué. Tu dis toujours des choses qui n'ont pas d'importance. Merci. L'absurde aventure. Vous dites tellement des belles choses. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 17 février 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, les problèmes liés... Ah, mon Dieu, pas un autre évadé de prison? Oui. À force qu'est-ce de. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que monsieur est évadé de prison. Parce qu'à force de pliser, hein, ils sortent des prisons à travers les circuits. Imaginez-vous, 3-4 prisonniers sortir des radios, là, hein? Fermez, Madame Tremblay, gardez la station CKRL. Ils restent coincés dans le milieu. Là. Si vous changez de poste, ils vont rentrer dans votre domicile. Hey, complètement cinglé. Votre domicile. Bon, mon domicile, c'est où mon domicile? Eh bien, c'est chez vous, là. Alors, où vous habitez maintenant, là? Vous vous bercez dans votre chaise qui ne berce plus? Eh, hey, c'est vrai, j'ai tout coupé les... j'ai coupé les pattes la semaine dernière. Pourquoi? Ah, j'avais mal au cœur, hein? Ça va en avant, ça va en arrière, ça va en avant, ça va en arrière, ça va en avant, ça va en arrière. Non, c'est l'inverse. Ça va en avant, ça va en arrière, ça va en avant. Oui, ça, on appelle ça la proximité narrative. Oh, c'est comme un peu au cinéma, il y a un avant-plan puis un derrière-plan. Là, j'avais mis le derrière devant, puis c'est pour ça que ça sentait étrange. Et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous, Charles de Rincebouche. Oui, merci. Unissons-nous autour de l'auteur, compositeur et interprète Alex Bianchi. À l'antipode des artistes préfabriqués, Bianchi se pose là, une voix rocailleuse à souhait, gorgée de soul et de blues, des paroles incisives sur des rythmes extraordinairement acoustiques. Comment tu fais pour avoir extraordinairement acoustique? Parce que c'est tellement acoustique là, que c'est pas électronique. Oh! C'est pas symphonique. Oh! C'est pas muet. C'est quoi? C'est acoustique. Et puis donc, il chaloupe aussi dans le reggae et le rock. On se demande encore comment les chansons de ce charisme, comment les chansons de ce charismatique italo-strasbourgeois ne sont pas arrivées à vous. Hein, vous vous demandez pourquoi Alex Bianchi ne m'est jamais parvenu au tympan avant Errance rénaldienne? Et c'est parce que je m'étais pas présenté à lui et j'avais pas mon micro devant sa bouche. Et c'est uniquement pour ça. Chicanez-vous pas avec votre double vous-même, mon cher monsieur. C'est pas mon double moi-même, c'est mon surmoi. Ah mon Dieu. Ça, c'est dangereux. Alors, c'est d'abord de réapprendre à penser et à repenser les choses de la vie, de la nature humaine et terrestre. Alex Bianchi amène ses propos à la manière d'un nomade en quête d'humanité, de communion. Alex Bianchi est tantôt cool et tantôt colère. Errance rénaldienne rencontra en juillet 2011 cet artisan de la chanson. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, oui. D'avoir volé ce que j'avais si bien donné, non. Oh, merci d'avoir tourné le dos, la tête sans me regarder. Oh, merci. Mais le vent tourne toujours un jour. J'ai tout donné ma liberté, non. Oh merci. Qu'avez-vous fait dans le malheur la nuit tombée? Oh merci. Mais le vent tourne toujours un jour. Vos souvenirs sauront vous le rappeler. Je garde ce petit sourire, celui qui vous a rassuré. Mes yeux ne pourront pas mentir, le jour où vous les croiserez, mon regard vous pourrez le fuir, mais jamais tuer sa vérité. Il est bien tard. Donc le bruit ambiant est vraiment étouffé. C'est ce qui amène un peu de plaisir à l'auditeur parce que les voitures passent. Ça fait urbain. Et l'urbanité est bien appréciée. Eh oui. Parce qu'il y a plein de filles, c'est pour ça. Oui, c'est ça. C'est pas le monsieur là? C'est lui? Je sais pas. Non. Je pensais qu'il y avait un truc de Fatal Picard en avant, non? Tu crois toi? T'inquiète, s'il passe, normalement je saurais le reconnaître. Ah oui? Ok. Ah oui. Oh oui, lui, non mais lui c'est parce que Yann, qui est un guitariste qui a travaillé avec Alain Bachung, avec qui je l'ai dit, il sort jamais ça parce que ça risque d'être. Achète-toi un micro qui va avec. Donc je me suis procuré un micro cette année. Donc tout est bien, tout est sous contrôle. Donc, ça, c'est tridimensionnel. Everything is under control. Oui, mais c'est tout. Exactement. Exactement. Tout est sous contrôle. Les Alsaciens, on parle plusieurs langues. Ah oui, oui, c'est ça. Hein? C'est un michoui. Ich kann Deutsch sprechen, ja. Ein Hit TV zu machen, ja. Alors, Alex Blanchet, bonjour. Ouais, alors c'est Alex Bianchi. Oh, Bianchi. Voilà. Comme les cafés, comme les machines à café, les voitures, Bianchi, les vélos. Voilà. Ça va? Voilà, ça va très bien. Bienvenue à mon émission Errance Renaldienne. Je suis heureux de me retrouver à Paris avec toi. Ouais. Toi qui es de très loin. Ouais, de très loin, non, pas aussi loin que toi, mais on va dire que ouais, j'officie ailleurs. Ouais, ben vous avez pris 6 heures à venir ici? Ouais. Et moi, je prends 6 heures aussi pour venir. C'est vrai, tout à fait. Ouais, voilà. Alors, toi, tu es un auteur, compositeur, interprète? Oui, depuis un petit moment, ouais, ça fait 15 ans. Alors, j'ai commencé vraiment à faire de la chanson moi-même, c'est-à-dire paroles et musique, en 93-14. Et j'ai monté un groupe qui s'appelait la Space Family. Et, voilà, et ça a été le départ de ma carrière de chanteur. En fait, ouais. oui. Voilà. Et voilà, la Space Family qui a fait 850 concerts en Europe. Et, voilà. Et tu étais de ce groupe? J'ai monté ce groupe-là parce qu'à l'époque, j'avais 24-25 ans et puis que c'était la grande époque du funk rock en France avec des gens comme FFF, etc. Et moi, j'adorais cette musique et j'aimais beaucoup aussi les premiers albums d'Igelin, genre BBH 75 ou les premiers Lavilliers qui sont, ou Nino Ferrer, qui sont imprégnés de soul et de funk. Et donc, j'ai monté ce groupe-là et ça, j'ai fait toutes mes armes avec ce groupe et voilà. Ce groupe s'est arrêté en 2004. Pourquoi ? Dans la bonne entente, parce qu'il y avait un troisième album en route et puis l'album a été enregistré et c'était pas du goût de tout le monde. L'orientation que tu voulais pour le groupe. Et quelque part, ça a été les prémices de ce que j'allais faire ensuite sous mon nom. Ouais. Qu'est devenu la nonchalance ? Qu'est devenu notre insouciance? Elle nous apprenait les distances. Petite graine de tolérance. Qu'est devenue la nonchalance? Qu'est devenue l'adolescence? Ce drogue à accoutumance qui justifiait nos insolences. Est-ce le monde qui nous échappe? Les souvenirs qui nous rattrapent? Nous aimions tant cette équité qui jalonnait dans nos pensées. La subsistance est tortionnaire. Elle nous oblige à être amère, à être dur et volontaire. Grandir toujours, mais pourquoi faire? Qu'est devenu la nonchalance? Qu'est devenu notre insouciance? Elle nous apprenait les distances. Petite graine de tolérance. Dans ce bas monde, tout nous rappelle que les soucis viennent à l'appel. Nous détestons cette abondance qu'on nous exhibe, quelle arrogance. Qu'on nous apporte de l'eau de vie, de la jeunesse et des envies. Nos petits vieux de 25 ans vont détrôner leurs grands-parents. Qu'est devenu la nonchalance? Qu'est devenu l'adolescence? Douce drogue à accoutumance qui justifiait nos insolences. Je promets qu'en quittant ce monde, je ferai tout pour faire l'affront de solliciter tous mes proches, de ranger les larmes dans leurs poches. De ranger les larmes dans leurs poches. Qu'est devenu? Qu'est devenu la nonchalance? Oh, la nonchalance. Qu'est devenu? Qu'est devenu notre insouciance? La, la, la, la, la, la, la, la. Elle nous apprenait les distances. Oh, oh, oh, qui justifiait? Qui justifiait nos insolences? Je n'ai pas vu le temps passer. Hey, le temps, le time s'est écoulé trop vite. L'innocence et la pureté se sont cachées pour trop de réflexions qui te font oublier l'essentiel pour une vie beaucoup trop superficielle. Artifice, artificiel, mais aujourd'hui les souvenirs hantent mon esprit. Qu'est devenu notre insouciance? Elle nous apprenait les distances. Rien. On était parti avec Alex Bianchi. Monsieur le juge. Vous êtes bien là? Monsieur, vous n'aviez pas le micro devant la bouche, vous êtes là? Ouais. OK. On s'excuse infiniment, on ne recommencera plus. Ouais. Est-ce que vous tolérez encore un moment d'insouciance? Ouais. Mais en fait, un long moment, là, parce que... Il reste encore quelques heures au compteur. Ouais. Vous nous surveillez de près? Ouais. Êtes-vous de bonne mère, vous? Êtes-vous de bonne mère? Ouais. Oui, bon, heureusement. Imaginez-vous que vous êtes pas de bonne mère, hein? Ouais. Votre femme vous aime? Ouais. Vous êtes bien, Ouais. Bon, il est bien. Heureusement qu'il est bien, parce que s'il sera pas bien... Eh, monsieur, aimez-vous ça, madame? C'est une souris! Oh, la souris verte! Allô, la souris? Comment ça va? C'est Reynald! Bon, ça va bien, vous? Hey, c'est rare qu'on a un micro devant une souris, hein? Ce serait peut-être bien de discuter un peu avec toi. Bon, premièrement, tu dois être sans doute... Ouais, il faudrait que j'arrête de dire premièrement, hein? Sinon, tu vas rentrer dans mon bas. Tu déchireras pas mon bas, toi? Tu sais que dans la vie, il y a des hauts et des... Aimes-tu mon humour? Ah, c'est fantastique! Il se rencontre avec une souris. Toi, la souris, as-tu un large... Non. Puis une queue... Et monsieur, est-ce qu'on peut te confondre avec un rat? Bon. Alors là, ici, ça te dérange pas si je passe à un autre petit intro? T'es merveilleuse. Est-ce que je peux embrasser une souris? OK. Mais tu mordras pas le... Oh. Tu as une mauvaise poêle? T'as-tu un chat dans la gorge? C'est souris! T'en comprends-tu? Elle a le QI plus élevé que certaines personnes. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de... Madame la souris, il y a du fromage ici, là? C'est du camembert. C'est fait avec de la bière. Aimez-vous ça, la bière, madame? Bon. Il y a des petits trous. Rentrez dans les trous. Puis, il y a quelqu'un qui va venir vous rejoindre. D'accord? On va prendre votre nom, puis vous allez passer là dans la salle d'attente. Soyez patiente. Et puis, vous avez des petites crampes au ventre, là? Êtes-vous sûr que vous seriez pas... Une souris peut être enceinte, quand même. Bon, c'est des animaux, donc, comme moi, hein? Bon, moi, suis-je un animal moins évolué que vous, madame... Mickey... Hey, c'est vrai, comment va Mickey Mouse? Okay. Je ne veux pas parler de Mickey Mouse. Moi aussi, ma larve, Mickey Mouse, là, c'est un trouble continuel. Ça vous cache un peu, vous, madame la souris, hein? C'est une grande vedette dans le milieu, ça, là. Hein? Elle aussi est frustrée. Moi, ça me prend pas grand-chose pour me frustrer. Tu me dis, Rénal, je suis frustré. Dis-moi pour Rénal. Dis-moi, monsieur René, Rénal Gagné. Hey, c'est bizarre, j'ai dit René. René, c'est le nom de mon père. Appelez-moi pas René, je répondrai pas. Rénal Gagné. Hein, pardon? Madame, vous êtes. Ça vous dérange pas si j'étais en train de me parler moi-même? Non! Hein? Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Monsieur, pas de bonne humeur. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil. Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et l'antre de l'oncle Buck, c'est. Siri tazi zari zulu zulu zari zari zari zazu zuzi zizi zuzu zuzu zuzu. Ça, c'est pour brasser la cuve. Zizi. En parlant de cuve, veux-tu rentrer dans la cuve, mon Gaétan? T'es habitué de rentrer dans les cuves? 3 semaines dans une cuve, il fermentait. Oh, dans son propre jus. Oh, on vend ça là, sur eBay. Là. Et rentrer mixture intemporelle, là, et vous allez arriver là-dessus. Oh, c'est pas très cher, mais ça vaut pas plus. Mais, hey, 2 gouttes à toutes les potions, vous allez voir. À chaque potion, vous allez voir. Oh, dans du lait. Oh. Qu'est-ce que ça fait? C'est un vin bizarre qui est sorti entre les dents. Qu'est-ce que ça fait? Essayez-le. Alors, le fait est que... On va lire le texte. Il fait chaud ce soir chez Tony. Ben oui. On est en dessous des néons. On sait, Mme Tremblay, que les néons, ça donne pas la chaleur, que l'on doit s'attendre d'une lumière, quoique moi-même, qui ne suis pas une lumière, donne passablement de chaleur à mes convives. Convives. Y en a-tu de la connerie dans les convives? Hein? On les invite pour on les fait sécher, là au soleil. 350 dans le four avec des petits oignons. Oh, ça fait des cons, à peu près, là. Quand on est con, on est cons, cons de la première averse. Quand ils sont cons, cons, cons, cons. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, con, con, con, con, con, con. Je ne veux pas être condescendant. Donc, j'étais chez Tony. Il avait mis le chauffage au maximum, histoire de réchauffer un peu les invités féminines qui étaient là. Il y avait 3 danseuses nues qui étaient habillées, là, mais on se préparait à voir le chef-d'œuvre. Fait que là, on avait ouvert le chauffage. Ah, oh, ça suintait. Oh. Moi, là, quand j'enlève ma perruque, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Jean-Marc, lui, avait gardé sa camisole. Il était un peu gêné, là, parce que les filles étaient dans le mouvement là, d'une bonne soirée de danse. Là. Moi, qui, avec un corps comme le mien, on veut le faire bouger de tous les sens hein, pour émouvoir la brebis galeuse. Puis, je sentais qu'il y avait des ricanements dans l'atmosphère. Quand je regarde pas Jennifer qui était devant moi avec ses babines, là, une bouche remplie de collagène, là, une immense bouche. Ouais, j'étais juste devant elle, donc c'était la proximité. Là, on appelle ça dans le milieu de la photographie, si vous connaissez ça, Mme Thibodeau, le zoom intégral. J'étais dans le zoom intégral. Oh, c'est... Je voyais ces belles grandes dents blanches, là. Je pensais que c'était un cheval au début. Là, c'est... Là, j'ouvre mes yeux. Je vois-tu pas 2 grandes orbites bleues? Je suis pas devant une... Je suis devant une vache. Puis la voix bêlée. Puis là, je me préparais à traire. Puis... Là, mais voyons donc, j'étais pas dans l'étable, là. J'étais chez mon ami Tony, maximum chaleur, maximum temporalité, maximum atmosphère, là. On était un peu à Cuba, là. Mais sans les cigares, là, sans le sable, puis sans la Gaétane qui était pas encore arrivée. Ben, on arrive parce que sa cousine devait être là, puis nous autres, on voulait inviter Gaétane, non pas pour Gaétane, mais pour sa cousine. Parce qu'il paraît que c'est de la cousine. Hey, ça sonne. Même la sonnette suinte de sensualité lorsqu'elle la pose son doigt sur le bouton. Ça fait « POUM! » Mets un peu « POUM! » Hey, là, la porte s'ouvre tout seul. Toute seule. Et là, fait son entrée triomphale, la belle déesse aux longs cheveux. Ah, c'est... Là, on dit à Gaétane, pousse-toi, Gaétane, là, qui attend-nous dans la voiture, là, on va aller te rejoindre. Ben, si vous restez toute la soirée, ben, pis ça, t'as de la bonne musique, là? On t'a donné l'album d'Alex Bianchi, c'est pas n'importe quoi, là? Va écouter ça, là, dans l'intimité, il va te chanter des belles petites chansons, pis nous autres, ben, on va faire des affaires, là. T'es pas prête à ça, t'sais, t'es pas ouverte d'esprit, là, ça. Et quand j'ai reçu un coup de poing dans le front, je me suis rendu compte que j'étais ouvert, mais pas d'esprit. Dans le, 3 cm dans le, au niveau de la paupière directement à l'hôpital dans l'ambulance, ça saignait, ça voulait pas arrêter. Là, il y avait des gros sauts, j'allais dire des bocs, mais des sauts qui reprenaient mon sang pour ensuite le transvider, histoire de donner ça à des gens qui en avaient besoin, là, des sensoriels, à la recherche de bon sang, quoique moi, j'en ai pas de bon sang. Ça a commencé à la naissance. T'as pas de bon sang! Après ça, un peu plus tard, à 17 ans. T'as pas de bon sang! À 28 ans. T'as pas de bon sang! À 42 ans. T'as pas de bon sang! Et à 55 ans. T'as pas de bon sang! À 102 ans. Tranquillement, là, je m'en venais avec un sang qui refroidissait. Puis le sang devenait de moins en moins bon, mais de plus en plus vieux. Mais tranquillement, là, j'ai dit à mon ami qui était dans l'ambulance avec moi, là, éponge. Puis là, plus ça épongeait, plus ça coulait. Tellement que sur le boulevard, je saignais tellement que sur le boulevard, il y avait des traces de sang, c'était moi. Pas capable de tout enlever, pas capable de subvenir à des besoins essentiels, d'aspiration. Hey, là, j'arrive, là. Il m'est resté à peu près 2-3 onces de sang dans le corps. Là. C'était impossible! Comment ça? 2-3 onces, t'es mort! Comment ça, je suis mort? J'ai jamais été vivant, moi. Hey, là, puis toutes les trois demoiselles qu'on avait invitées nous attendaient dans le salon, tandis que moi, j'agonisais là, à l'hôpital. Puis là, qu'est-ce qu'elle a? Elle veut pas qu'on continue, non? On n'a plus de temps. Bon, ben, écoute, on va arrêter ça comme ça, mais la fin est tragique. Puisque Reynald ne se réanime pas. Ben voyons donc, pourquoi qu'il est là? Ben il est pas là, là, c'est parce qu'il a été cloné. Oh, c'est ça le mystère! Oui, boule de gomme! Le titre de la chanson, c'est « La machine à baiser ». Oh! Moi, j'habite le quartier Hochelaga, Maisonneuve. Ici, les quêteux et les junkies qui pleuvent. Les petits morveux d'un ruelle te garochent des roches quand tu les chioles. Leur père saurait qu'un bat de baseball. Et ces vieilles rockeuses, botch au bec, la peau flétrie, la voix rauque de corbeau. Et ces motards assassinés dont les spectres apparaissent la nuit sur Ontario. Case de 24, machine à poker, seringue, lighter, paquet de tabac, papier à rouler, œil au beurre noir, dépanneur, craft dinner, Hochelaga. Déjeuner, serveuse sexy, la toffe à l'air, pis les tâtons, deux œufs bacon, pis des rôtis, fuck y'a un poil dans mes crotons. Les débardeurs qui travaillent au port viennent y manger leurs fèves au lard. Les œufs visqueux dans leurs assiettes, le bat bien dur dans leurs popettes. Valentine, la belle province, hot dog, all dress, pointe de pizza, ketchup, moutarde, mayonnaise, graisseuse, roteux, Hochelaga. Tu pars ma prière, toujours un hostie crostie, un pont sale, et vaché par terre, un vendeur de l'itinéraire. Ils aident les crêpes, la paix achète le linge que les autres veulent plus mettre. Ça sent le vieux garde-robe, mire, tiers, les mots, la mythe et la misère. Voici le cortège. Des obèses et des édentés. Bienvenue dans la cour des miracles, aux premières loges de la débâcle. Armée du salut, village des valeurs, friperie, renaissance, Dolorama. Promenade Ontario, soupe populaire, tatoueur, pawn shop, Hochelaga. We'll be right back. genre, schizo et autres parias. Ex-détenus, cambrioleurs, danseuses, pushers, Hochelaga. Biker, fille, mère, Hochelaga. Boiteux, mogne, Hochelaga. Aussi, ça s'est... Ah non, non, ça s'est arrêté, ça s'est okay. arrêté, ouais. Okay, pour faire Cavalier Seul dans, voilà, dans tout à fait. Exactement. Et toi, tu as choisi après ça de faire une carrière solo? Alors, pas tout de suite, j'ai... Après, comme j'avais monté beaucoup de réseaux un peu dans toute la France et en Europe, j'ai... Des réseaux de... Des réseaux de salles de concerts, okay. De clubs, de bars, de labels, de festivals, d'associations qui font un peu bouger la musique, les musiques actuelles dans mon coin de l'Europe, quoi. Et donc j'ai monté un gros studio d'enregistrement de 200 mètres carrés avec une scène de 9 mètres d'ouverture. On avait 20 intermittents, 3 permanents. Et là j'ai beaucoup travaillé sur les labels et surtout sur Internet. On a développé des cartes à gratter néophoniques. Voilà. Et au bout de 4 ans, j'en avais un peu marre de faire le concierge. Et puis la conjoncture économique en France... Il y a eu en 2002 un changement de gouvernement qui était quand même très fatal. Ouais. Ouais, même si on ne travaillait pas, moi j'ai toujours travaillé sans vraiment avoir de subvention, parce qu'on est vraiment indépendant jusqu'au bout. Parce que qui dit subvention en France dit souvent prise de parti politique, et voilà, c'est pas comme ça que je vois l'indépendance. Mais malheureusement, nos partenaires, eux, ça a commencé par la liquidation du distributeur M10 Melody, la liquidation néophonique. Enfin, il y a eu plein de liquidations là entre 2000, on va dire entre 2005 et 2007, qui ont vraiment jusqu'à arriver à ce que le studio soit liquidé aussi, forcément. Et donc là, j'ai repris la route avec mon compère Marco, avec qui je travaille maintenant depuis 10 ans, voilà, qui a la contrebasse. Et qui est également le chanteur d'un autre groupe dans lequel je joue et qu'on produisait aussi. Et on a repris la route. Les Breadalers. Okay, oui. On en parlera. Mais plus punk. Punk rock, c'est du Celtic punky rock. Et toi, ton style seul, c'est de la chanson française? Ouais, moi j'appelle ça, parce que j'aime bien le côté. J'appelle ça de l'acoustique French Soul. Voilà. Okay. Acoustic French Soul. Ouais, je préfère dire ça que chanson. Okay. C'est de la chanson française, mais ça reste de l'esprit soul, blues, funk, acoustique aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, ça va être José Feliciano en passant par Higelin. Okay. Est-ce que tu fais des interprétations aussi? Aussi, ouais. Okay. Ah, oui. De beaucoup de Nino Ferrer, parce qu'on a eu la chance de. Avec la Space Family et Marco, parce que Marco était le bassiste de la Space Family. Et on a joué plusieurs fois dans la maison de Nino Ferrer et on a rencontré sa famille. Bon, c'était après son décès. Et moi, j'ai toujours été fan, parce qu'en fait, il vient pareil de Gênes et ma famille en Italie vient de la Spezia, et c'est juste à côté. Ah, quoi. Italien, toi. Moitié italien. Ouais. Okay. Et donc, c'est quelqu'un que j'écoutais depuis que je suis tout petit. Ouais. Et voilà. Alors, t'as grandi avec. Donc, je fais beaucoup, je fais beaucoup d'adaptations de Nino, d'Eddie Mitchell, d'Higelin, de David Gué. Ah oui, ok. Léo Ferré aussi. Oh. Les gros flambeaux. Ouais, mais oui, il faut. Les monuments de la musique. Certains sont décédés, mais d'autres sont encore vivants. Oui, et puis c'est notre job aussi, à l'image des artistes anglo-saxons qui jouent toujours dans leur répertoire des ce qu'on appelle des covers, mais enfin, c'est souvent des adaptations. Je pense que c'est important pour les artistes de faire revivre la musique par ça, quoi, aussi. Quoi. Pour se souvenir. Et puis pour que les jeunes comprennent. Mais oui, bien sûr. Et Canaïs, avant tout. Ouais, bien sûr. En bataille, les mains qui tremblent, une haleine de cheval mort. La tête dans le cul de linge qui pue hier, ça finit ben trop tard. La gorge sèche, les yeux vitreux, les dents qui s'entrechoquent. Qu'est-ce que la vie est rough pour l'homme qui se donne au rock? Veux-tu ben me dire comment m'en faire pour reprendre du service à soir? Ça fait que je m'en vais chez Frank, m'acheter de la poudre qui crinque. Miss Météo, qu'on y soit, hey! Annonce 3 grammes de neige à soir. Ça fait que ma souffleuse est stand-by.

faut appuyer sur, souvent sur les mots. Il faut appuyer sur l'existence pour la faire fonctionner à plein régime. Comme un train en marche. Courir devant, s'agripper au barreau, lever la jambe en courir sur l'autre, un peu comme une trottinette, retenir le train, remonter là-dessus sous la loco et se laisser admirer. Non, c'est le paysage qu'on doit admirer. Ah, c'est vrai, excusez-moi. Alors c'est ça, courir après la locomotive, se tenir sur le wagon et regarder le paysage défiler. Défiler. Ben, filer, courir. Ben non, c'est toi qui cours. Ah, mon... Hey, c'est... Appuyer! Appuyer sur le champignon. Ah, oh, mon... Hey. 250 000 à l'heure sur une route. Les motos qui passent devant toi, derrière toi. Puis, hey! Puis toi, tu fais des bons... Lalo, des bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Les voitures... Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Hey. Appuyer! Hey, veux-tu arrêter? Non, mais appuyez sur la belle... Qu'est-ce qui se passe? Rien. On tente de choisir un mot afin de savoir si on peut le placer dans le château symbolique de la francophonie, mais on fait rien de mal, mon cher monsieur. Et si vous... Hein? Non, non, non. On n'a absolument rien dit. On veut juste amener l'appui de nos spectateurs... Non, d'auditeurs et auditrices. Avons-nous de la pluie? Ah, il y a de la pluie à volonté. On a acheté 3-4 parapluies, mais il y a 3-4 gouttes, mais on se rend compte que ce n'est pas des gouttes, c'est des positions de notre animateur. Oh. Nous avons ce soir, cette nuit, la pluie solaire. Qui? La solaire. Oui. De tous nos auditeurs et auditrices. Mais voyons, non, je n'ai jamais reçu ça. Par courriel. Ils t'ont même pas écrit. Ouais, oui. Oui, j'ai un courriel, moi. On sait que t'as un courriel. Les gens m'ont... Non, non, non, il n'y a personne qui t'appuie. Ben voyons, moi, je m'appuie sur quoi? Ben toi, sur ta table, OK? Mais il n'y a pas de chaise. Mais pas besoin de chaise, là. Il ne suffit que de deux jambes, quoique avec une aussi. Ah, c'est vrai. Ah, exactement. Puis même à genoux, hein, on peut s'appuyer à genoux. Mais quand on se croit un arbre enraciné à tout jamais et qu'un coup de vent nous arrive en plein feuillage, on risque de reculer nous-mêmes, histoire de voir soulever la terre et comme ça, renversée par le vent et des intempéries. Se voir un peu moins fier, un peu moins résistant au choc. Et est-ce que ça se peut se désappuyer? Oui, c'est calancher. Calancher! En parlant de calancher, je veux pas insinuer qu'on veut appuyer l'intolérance intellectuelle, quoique Errance Renadienne en est un exemple très clair. Ah ben moi je trouve que c'est embrouillé. Non mais c'est pas clair si c'est embrouillé. Ben on n'a jamais dit que. Non mais là est-ce qu'on. Non jamais. Jamais nous placerons dans le château symbolique de la francophonie le mot appuyé puisque nous ne sommes même pas arrivés à un consensus. Ça c'est important que tout le groupe. De notre organisation. Hey, y a pas, c'est, ça fait peur, ça, des organisations. Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle, enfin, mais je ne sais pas où. La chercher, il me faut la chercher, oh boy. La trouver, je dois la retrouver, oh papa. Je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vu vendre des limaçons. J'ai beau courir les rues, j'entends pas sa chanson. Oh, enfin, mise et marcilla, monte ses escondida. Oh, enfin, mise et marcilla, besaiti si es perdida. Remonte en canebière, j'ai le cœur qui s'emballe. On l'aurait vu hier, ouais, au palais de cristal. Mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades, mais rien pour s'amuser. Il faut chercher partout, des collines à la mer, ça fait sacré beau. Des calanques à la nette, c'est une histoire de fou. Ça fait des kilomètres, je suis sur les genoux. Enfin, mise et marcilla, monte siège escondida. Enfin, mise et marcilla, besaiti si es perdida. Amener comme propos dans tes chansons, as-tu vraiment une idée, un message, au contraire, tu veux aller dans la chanson un peu plus rigolote ou En fait, non, je c'est vrai que Nino Ferrer avait cette particularité d'être un peu humoristique. Alors, je suis pas contre l'humour, loin de là, et j'essaye d'en faire, mais je pense que j'ai une voix qui est quand même assez grave et qui inspire la mélancolie et ce côté blues, justement. Donc je suis plus dans l'esprit, j'aime beaucoup écrire des chansons assez optimistes et humanistes, avec soit un côté léger, soit un côté... plus le texte va être dur, je vais être plus dans le léger dans la musique, et plus le texte va être léger, plus je vais être dur dans la musique. Voilà, ça, j'aime bien pour rebalancer. Voilà, exactement. Alors c'est l'intensité, tu travailles voilà, sur l'intensité. À fond, ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais. Et est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots, normalement? Alors au début c'était plus les idées qui amenaient les mots et forcément on écrit souvent quand on a eu des choses difficiles dans sa vie et quand les choses difficiles passent... Du côté amoureux ou du côté... Non, j'ai vraiment commencé à écrire quand je me suis retrouvé, quand j'ai perdu mon père, c'était un moment très... Difficile pour toi. Ouais. Comme tous les... Non, tu peux y aller. Ouais. Oh, oui, il n'y a pas de problème. Attends, parce que c'est peut-être le Stéphane. Oui, c'est ça, vas-y. Oui, c'est lui en plus. Oui. On fait un montage, je fais ça en fond. Oui, Stéphane. Ouais. Bah écoute, quand tu veux, enfin dans les prochaines. Aucune. Non, il est tout seul avec son appareil, tout ça. Ouais. Ouais, super. Voilà, j'imagine. D'accord. Si on a tous les deux des responsables. Ouais, ça marche, c'est super, Stéphane. Eh ben, à tout à l'heure. Voilà. Ça fonctionne sur la péniche. Ça, c'est les réseaux, tu vois. Ah ouais, c'est ça, mais sur la péniche. Ouais. Ok. Ah, c'est pété. Et comment il s'appelle? Stéphane, et la boîte s'appelle Best Even Prod. Voilà. Ok, ah, c'est bien. Voilà. Ok. Alors après la rencontre, on peut aller faire le morceau là-bas, et puis même tu verras, c'est des gros acteurs. Ok. Voilà. Et puis, est-ce que c'est côté, après ça, on vient à l'entrevue, là. Si je veux prendre le métro, est-ce que c'est facile de là-bas? Ah oui, ben c'est la bibliothèque François Mitterrand. OK, parce que je dois aller au théâtre à 21h, donc je voulais savoir si c'était compliqué. À quel théâtre tu vas? Gaîté Montparnasse. Ah non, c'est à côté. Ah! C'est à côté, c'est rive gauche. Ouais, ouais. Je peux le faire à pied? Pied, non, mais je te déposerai sinon. Ah, bien, bravo. Merci. Ah, t'inquiète. C'est bravo pour moi. Via mi senti gaia che fre o de mattina via mi senti gaia che fre ma te mi ruba bule e sotto il nido in lurie ma io busco il travai ma io busco che la fa omu una mucchi de spasa che tu nome svale Om una mucchi de spasa che tu nome svale Ti morta di lupantai che si leva tu suse Ma li musca in travai, ma li muslo che la fa Ti mangia di giù e diable va a bagnare a cane Ti mangia di giù e diable va a bagnare a cane Ma spiego un mica magado ma si è già mai tardi Ma li musca in travai, ma Vega che la buona plaza forse specializzata Vega che la buona plaza forse specializzata Per la festa non esiste ni le capacità Ma le busca il travai, ma le busca che la fa Offriamo ma tu soffriamo un puerto fresco Un petto fei e spago Vene me lleu di l'urie Discuti de tot a co Ma li busca i travai Ma li busca que la fa Lo que la fa de vore E lo que no de fa Ma li busca i travai Ma li busca que la fa Ma li busca Errance en errance, avec Rénal Gagné, sur CKRL. La chanson n'est plus là. La chanson n'est plus là et ma voix non plus. Oh, c'est très triste pour les auditeurs. Au contraire, ils jubilent. Ah, mon Dieu. Le moment s'est vite à l'eau pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Oh, on aime ça les fils Ariane, oui. Il faut s'y pendre et s'y tenir sans tomber. Ouais, ça c'est complexité. Oh! Passagère, ouais, ben, jusqu'au moment où tu lâches la liane et tu te retrouves dans la misère. La misère la plus noire. Ah, mon Dieu. On dit pas la misère la plus claire, hein? Non, c'est vrai, hein? Comment ça? Ben, c'est, est-ce qu'on peut monter? On va monter un peu plus haut, un peu plus loin, je veux monter. C'est-tu assez monté, ça? Ah, oui, oui. Ça vient comme ça, hein? C'est des expressions qui, comme un cri de mort. J'ai lâché un cri de mort. J'ai jamais entendu un mort crier, moi. J'ai déjà vu quelqu'un crier parce qu'il y avait un mort. Ah! Un mort qui devait pas être là, qui était couché. Oh! qui attendait qu'on vienne le cueillir. Oh, mon Dieu, comme les petites fraises des champs. Oui, monsieur. Et donc, la longueur... la longueur de quoi? Ben oui, parce qu'on a un fil arial narratif. Oh oui, c'est vrai! Oui, parce que là, tu parlais de mort, de cueillir. Oui, c'est vrai. Une longueur gronde sur le monde. Oh!

bien à fond sur le levier, que la bière puisse enfin couler. Accroche-toi à ton godet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous en fous, pourtant on se mettrait tous à genoux, à genoux, à genoux. Vite nerveux au fond de nos chaises, quand la vie s'arrive, elle sait nous mettre à l'aise, s'obligeant à ne regarder que ses yeux. Elle est l'été, la rêvant d'être au milieu. Ouh, Greta, on aime quand tu nous sers comme ça. Viens partager les plaisirs de l'ange, laisse couler la bière dans ta gorge. Accroche-toi à ton godet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous en fous, pourtant on se mettrait tous. Accroche-toi à ton godet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous en fous, pourtant on se mettrait tous à genoux. On est serviable. Hein. Oui, comme chez nous à Québec. Hein. As-tu déjà visité Québec? Mais non, j'aimerais bien y aller. Ok. Mais parce que justement, Albert Weber m'a branché, m'a dit putain, il faut que tu viennes jouer là-bas. Mais pourquoi lui t'a dit ça? Tu le connais? C'est un journaliste, ouais, qui est fan de Québec. Est-ce qu'il voyage à Paris? Est-ce qu'il voyage à Québec, ce gars-là? Ouais, il habite là. Ah, ok. Il bosse là-bas. Albert Weber. Ok, mais Weber, c'est français, non? Ouais. Comme c'est même alsacien. Ouais, oh. Weber. Faut faire attention. Okay. Comme les scénaristes. Voilà. Okay. Exactement. Francis. Il est super bien, mais je te vous mettrai en contact par mail, oui, si tu veux, parce que c'est un Facebook, super gars. Facebook. C'est l'ancien patron du journal Chorus. Chorus, mais oui, Albert Weber. Consacré à la chanson. Voilà, qui est décédé, et maintenant, le décédé qui a fini, quoi. Et maintenant, c'est sur un site. Okay. C'est un site interactif sur la chanson française. Un webzine. Et il le fait moitié à Québec, moitié en France. Mais c'est un Français à l'origine. Ouais. OK. Qui, parce qu'il a apprécié Québec comme tous les Français, voilà. Qui s'est collé là? Parce que le Québec, de là où... Peut-être ce monsieur-là, non? Non, il était là tantôt. Non? C'est pas lui avec les tatouages, là, parce qu'il est voir depuis... Ouais, je suis pas sûr, hein. Ah non. Non. Mais c'est un mec du staff. Ouais. T'as du feu, là? Ouais. Bon, c'est bon. Non, parce qu'il était là tantôt. Fou, hein. Il était là depuis à peu près 15 ans. Ah ouais, je ne sais pas lui. Hein. Je me disais aussi, mais je le voyais jouer de la batterie dans le livre. Non. Non, exactement, il est avec le groupe. Donc, on revient à tes origines. Tu me disais que la chanson, c'est les mots qui amènent les idées, qui amènent le monde. Et c'est depuis que ton père est décédé, voilà. Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, on écrit souvent suite à des difficultés de la vie, parce que ça génère un spleen, une mélancolie naturelle qui permet d'exulter ses angoisses sur du papier, voire de la musique. Puis, au bout d'un moment, cette technique, elle a une limite, ou alors il faut vivre comme Bukowski, ou enfin, il faut aller chercher les emmerdes. Non, mais Bukowski, ce qui est pas forcément. Ouais, j'adore. Et donc après, c'est les techniques en fait d'écriture que j'ai appris après, en faisant des stages avec Michel Herbat, etc., justement à jouer avec les mots, apprendre justement ce que les mots amènent les idées. Oui, voilà. Gainsbourg, c'est les mots qui amènent les idées. Voilà. Et donc du coup, maintenant j'écris plus comme ça. Voilà. Les mots amènent les idées. Ouais. Les mots ou certaines phrases. Alors toi, la page blanche, tu connais pas, puisque le mot amène l'idée. Bah si j'ai une page blanche, c'est un peu comme les gens qui ont l'insomnie. C'est comme les solutions pour l'insomnie, tu sais, c'est pareil. Oui, ok. Et moi, je faisais beaucoup d'insomnie, etc. Et maintenant, j'en fais plus parce que j'ai des trucs. Ah. Voilà, et bien pour la page blanche, c'est des trucs. Alors, c'est ce qui sort. C'est des boutons, hein, je pense, pour le sommeil. Non, non je me lève et puis je marche. En fait, il faut moi, oxygéner. Ça, somnambule. Oui, mais je suis éveillé. non, mais en fait, le truc, c'est ça, c'est voilà, j'oxygène. Okay. Et pour les mots, ben justement, c'est pas forcément bien ce qui va tomber sur la page, mais en tout cas, les mots, quand on sait, les c'est comme des colliers, quoi. Tu vois. Travailler. Voilà. Ouais. Et tu prends un plaisir de plus en plus à travailler les mots, à travailler les textes, à travailler... Ouais. Dans ton groupe, avec les groupes précédents, est-ce que tu travaillais les mots autant ou si tu laissais à tout le monde le fait d'amener leurs idées? Non. Ah, tu faisais pas partie de ça. Toi, tu prenais le texte déjà pondu. Et... Soit le texte pondu, soit je le pondais directement. C'est et... toi qui pondais aussi. Mini, mini, maman, est un boum, boum, stand. Un boum, boum, stand. Un boum, boum, stand. Mina, mina, papa, est un Kohlefeld des Rand. Und schlöt mina, maman, auf der boum, boum, stand. Mini, mini, Mama hat a bum bum stand, a bum bum stand, a bum bum stand. Mina, mina, Papa hat a Kohlfeld der Rund und schlöt mina Mama auf der bum bum stand. Uni wird mit dir in Straßburg jetzt geh Jungfrau mi. Uni wird mit dir in Straßburg jetzt geh Jungfrau mi. Babala, babala, jetzt geht's los. Entendez, Errance Reynaldienne. Well, it rains and it pours when you're out on your own. If I crash on the couch, can I sleep in my clothes? Cause I spent the night dancing, I'm drunk, I suppose. If it looks like I'm laughing, I'm really just asking to leave. This alone, you're in time for the show. You're the one that I need, I'm the one that you loathe. You can watch me corrode like a beast in repose. Cause I love all the poison away. There's a place in the dark where the animals go. You can take off your skin in the cannibal glow. Juliet loves a beat and the lust it commands. Drop the dagger and lather the blood on your hands. Romeo, la mère, le père disait je sentais trop. Chez eux, une courte sieste sur la chaise me vaut une taise. Sur la vraie vie, donc toujours dehors à vrai dire. Dans le hall 6-1, là où ne squattent plus les grossistes. Les tas de mégots de joints forment des montagnes. Mes potes et moi jusqu'à 4 du mat on se tient compagnie. Une de ces nuits qui a la même tête que l'autre soir. Momo vient me voir, parle cash et chez Nana. Nana, chez le bar du coin ouvert tard. Quand ça ferme, on peut y trouver plein de tas. Chose qui cache même une Clio, que c'est doublement un duo. On répartit les tâches, quand ta pensée on est parti. Pour pas faire de jaloux, personne on a averti. Eh viens, viens, viens, hey, tu m'as pas demandé que tu cherches une Clio l'autre fois. Si. Eh franchement, j'en ai vu derrière le gymnase, elle est chambée comme tu voulais. Elle est blanche, c'est comme ça que tu voulais. Ouais. Eh franchement, y'a l'intérieur, y'a tout, vas-y, viens, on y va direct. Bon, vas-y, viens, je vais chercher les outils là. Attends, non, vas-y, passe pas par là-bas, y'a l'autre là, vas-y, on esquive direct, on y va. Attends, vas-y, planque-toi là, vas-y, vas-y. Merde, c'est celle-là là. Ouais, c'est celle-là. Vas-y, celle-là. Viens, fonce, vas-y, fais le paix, mon grand, fais le paix. Clio, soldé à 5000, soit des bons pavés, cheat de côté, à 6000, nous change de bise. On n'emprunte pas de crédit par crainte de te prédire une fan dans un cercueil en brindille. L'équipe d'à côté porte le hail, on a du trop bon hail année à année avec les stupes pendant les GRV. C'est le métier qui rentre, les flics savent que je suis si proche de mes billets de banque, je pourrais être l'encre. Je suis malin les anciens mêmes, bien m'inspire une grosse somme speed, en braque un chef, entreprise, avec Kiki dans ma M3, un 357, ça se passe à Paris 7. Au 33, bruit des opossums. Le biz fonctionne, ce code du coffre fort, trop que contre 3 coups de crosse, les bifs t'ont finir des glaces. Respecté, suspecté, bec t'es trop. Je marche seul un magnum dans mon Mac Douglas. Eh hey, mon grand, tu m'invites le fraise. Ah, une noisette pour moi s'il te plaît, et deux sucres. Ok. Allô, allô, cache-toi, y'a le mec de la Clio de l'autre fois, rappelle-toi. Quoi, quel mec de la Clio? Mais suite d'autre fois là, on a tapé la Clio, rappelle-toi. Mais laquelle, on l'entend tellement. Mais qu'est-ce qu'il y a, y'a un blême? Hein, moi je connais qu'une seule politique dans ce métier, défourailler les premiers. Baisse-toi, baisse-toi. J'ai tiré sur des faux types qui voulaient me soulever. La rumeur dit que l'un d'entre eux ne s'est pas relevé. Mais suis-je fautif? La rumeur s'avéra fausse et les autres gosses se cachent car ils savent que maintenant je suis gravement sale. Moi je paye ma caisse cash et des théières en emporter les meilleurs relayeurs de weed de Hollande. Ma réputation fait fuir les sales garçons, fait fuir les filles sur place, pour m'offrir les plus belles garces. Ma mère pleure mon père, ne me reconnaît plus mes frères. Et sœurs flics, des flics hier ont fait une paire qui cheveux crépus, la France a une blessure, j'en suis le plus. Quand j'ai fumé, j'ai bu, je suis sans scrupule. Je t'avoue, quand je m'en bats la race de vous, maintenant j'ai fait ma vie, c'était au début de ce texte qu'il fallait calculer. Comme je travaille beaucoup dans les réseaux d'artistes et de petites associations, il y a beaucoup d'artistes avec qui on a réussi à trouver des terrains de jeu et on se retrouve des fois pendant trois jours dans une baraque à la campagne et on écrit, tu vois. Okay. On écrit pour écrire, tu vois. Et ça j'adore. Okay. C'est le moment où tu sens que l'inspiration est là devant les autres. Puis... Bah, tu sens que tu as envie de faire quelque chose, mais tu n'as pas le... Tout le monde est là avec l'envie d'écrire. Voilà, exactement. Il y a comme une frénésie de création. Voilà, ouais. Comme une panne collective qui se résout par la communion ensemble. Oh, okay. Ouais. C'est très spirituel. On va la création spirituelle. Mais plus vaut être spirituel que spirituel. Hein. C'est moins compliqué le lendemain matin. Oh, les deux vont ensemble. Hein. Ah, les deux vont ensemble, la création. Avec la vie, avec les événements, avec ce qui t'arrive dans ton existence, l'écriture se peaufine, amène une profondeur. J'espère, ouais. Et sur scène, les gens sont peut-être touchés parce qu'un jour ou l'autre, nous aussi, on peut passer par là, on peut oui. Vivre les expériences que toi tu vis. Ben oui, bien sûr. Est-ce que tu es du genre à laisser le public se faire une idée et de gober ce que tu offres? Ou au contraire, c'est des vrais personnages qui sont posés là, une vie, une histoire, un peu comme Brel le faisait? Alors j'aimerais bien que ce soit comme ça, comme Brel. Okay. Non, mais ça peut être aussi mais aujourd'hui, où les gens se rassemblent. Je vois bien, ouais. Mais en fait, aujourd'hui, j'en suis qu'au fait de faire des choses que je propose et les gens les prennent comme ils le peuvent, quoi. Enfin, comme ils le ressentent et c'est souvent, ils le prennent pas comme il le faut. Et d'ailleurs, sur mon premier album. En fait, parce que ma culture rock et soul et va toujours vers des textes très imagés et voire peut-être des fois un peu obscur, puisque c'est beaucoup les images. Comme Bachaud. Voilà, Bergman, Jean Fauque. Voilà. Parce que c'est vraiment ma culture. En plus, il y a une culture de double, puisqu'elle est géographique aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, et chez nous, c'est quelqu'un d'important. Tu parles de Bachaud toujours. Ouais. Et j'aime beaucoup ça. Et même dans Nino Ferrer, on retrouve cette manière de mettre des images sur des phrases débiles. Ouais. Les cornichons, exemple. Les cornichons, par exemple. Est-ce que tu l'as fait? Ou mon copain Bismarck? Non, je ne l'ai fait pas. Oh, okay. Enfin, si, on l'a fait comme ça en buffant. Mais... Oh, on va pouvoir l'entendre peut-être en fait. Non, on en fera une autre. De Nino, on en fera une autre. Okay. Vachement plus intéressante. Ah oui? Ouais. Ok. Et donc, pour revenir à ça, j'aimerais bien effectivement arriver. Enfin, ma quête dans mon travail d'auteur, c'est justement par le travail collectif avec d'autres auteurs d'arriver un jour à créer vraiment des personnages. C'est vraiment ça le... Parce qu'à partir c'est une chanson, un film. Ah, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est pour ça que j'adore Eddie Mitchell. Hein. Voilà. Ah oui, mon oncle l'a dit. Oui. Eddie Mitchell, c'est... aussi. Une oui, j'aimerais aussi, bien sûr. Ça commence par un blouson, une femme, ou un morceau de shit comme dans chaque cité. Si je mens, demande à la police le style de triste histoire qui alimente les bancs publics, les squares, retransmise pendant les visites au parloir. À croire que j'ai un tour. Puis un jour, voilà notre tour, je leur avais dit pas cogner coucou. Coucou, coucou habite la cité. D'un côté, donc on se connaît, font de la monnaie. Après, ils iront dire qu'on les jalousait, ont-ils raison? Bref, ta gueule. La justice est morte, ma gueule. On s'en tape et on a mille guns. Eux en avaient un seul. Passèrent, firent deux étincelles, en laissèrent un par terre. On a les nerfs sur la vie de ma tête. Nos familles manifestèrent et nous ont rempli les holsters. On a chopé la guérilla, guérilla. C'est la guérilla, guérilla. C'est la guérilla, on ne sait jamais quand ça arrive. C'est la guérilla, on ne sait jamais quand ça finit. C'est la guérilla, on ne sait jamais qui va guérir. C'est la guérilla, c'est la guérilla, on ne sait jamais quand ça arrive. C'est la guérilla, on ne sait jamais quand ça finit. C'est la guérilla, tiens la guérilla. Pourquoi la guérilla, toujours la guérilla. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.